Bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde! Ici C'est Gabriel. Gabriel! Ici Gabriel et. Gabriel! Ici Gabriel et Oui, Emeric de Goose c'est moi, Gaming. Gabriel! Bon, ok, tu peux. Mais ça reste une vertu. Il faut apprendre à la maîtriser. Donc, ça c'est le premier épisode de notre podcast qui s'appelle Goose Pod, comme vous avez pu probablement voir sur le titre. Ce podcast-là sur iTunes ou sur n'importe quelle autre plateforme que vous l'avez pris. Donc, ce podcast-là va être pas mal nous autres qui va parler de tout et de rien. Ça se peut qu'on déconne beaucoup. Ça se peut que ça amène pas mal à n'importe quoi. Mais c'est ça le but du podcast. Donc, espérons que vous avez bien aimé ce talk show merdique qu'on va faire de temps en temps. Il va pas être merdique, ça va juste être nous en train de déconner tous les soirs quand on est vraiment euphorique et fou. Peut-être pas toutes les soirs. Peut-être pas les soirs. En tout cas. Mais Oh, au moins nous, on fume pas de drogue pour être fucké dans la tête. on n'a pas besoin de ce pantoute. Donc, sinon, qu'est-ce qu'on pourrait parler, Emric? Ben moi j'ai mon devoir de français, je voulais te le montrer. Là mettons, je vais te montrer ça, Gabriel. Je m'en avais un peu parlé tantôt. Puis mettons, c'est un devoir de français. Puis faut comme compléter les phrases, tu sais. Ok. Il y a de A jusqu'à O. C'est ça. Là, placez chaque groupe de mots suivant en fonction de sujet dans une phrase complète. Par exemple, A, une panoplie de conseils. Là, comme juste ça, tu sais, c'est juste une panoplie de conseils. Le mot A, bien. Je me rappelle plus trop de l'exercice, c'était basé sur quel principe? L'accord du verbe avec un nom collectif. Un truc français. Et que ça fait une panoplie de conseils. Ça, c'est mon bout. Une panoplie de conseils ont été donnés à Monsieur le Président. Alors, Gabriel, parlons-en du Président. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Wow, maintenant, je suis pas dans un procès, moi, là. Qu'est-ce que c'est que ça sort, là? Et par exemple, ça pourrait amener à parler du cours de droit. Ok. Sinon, tes autres phrases. C'est quoi tes autres phrases? L'arsenal d'outils de téléformation est utile lors des travaux. Quoi? Ouais, sérieusement, en français, je me suis laissé inspirer par cette phrase-là, sinon j'aurais jamais fini. Téléformation. Après ça, c'était juste l'arsenal d'outils. Après ça, il y a une L'arsenal bande. d'outils de téléformation. Après ça, il y a une bande. Ouais, ok. Une Une bande. bande dessinée qui n'a pas sa place dans le monde a été fortement critiquée. Ouais. Qui n'a pas sa place dans le monde. Présentement, cette année, j'ai commencé un projet de bande dessinée, alors je me suis inspiré là-dessus. Après ça, un qui est assez drôle. Oh non, j'ai pas fini cette phrase-là, merde. Le peloton de coureurs qui boitait ardemment avait beaucoup de difficultés à faire le 100 mètres. Oh. Ouais, je me suis vraiment amusé à faire ça. Après ça, n'importe quoi. la brigade. C'est rien que la brigade. La brigade d'hommes armés a dû ratisser toute la ville pour se nourrir convenablement. Quoi? Ça, c'était le E. Coudonc, ils sont où, là? C'est dans quel pays, eux autres? Aucune d'eux, sûrement. Ouais. Sûrement au Canada. Canada. Canada ou États-Unis. Canada sur Stephen Harper, 20 ans plus tard. Ouais, c'est ça. La déchéance. L'isolation, la guerre. Ok. Après ça, j'ai entendu. C'est sûr, c'est comme le plus. Une caravane d'exilés a percuté un camion citerne avant de se retrouver projeté dans le fossé. C'est quoi ton début de phrase, là? Une caravane d'exilés. Ok. Une caravane d'exilés. Là, tu te dis, bon, les exilés, oh, c'est triste, on va leur laisser une chance, hey, c'est des exilés, on va les accueillir dans notre pays. Une caravane d'exilés a percuté un camion citerne avant de se retrouver projeté dans le fossé. Hé! Hey, le camion citerne ça termine tellement. Ça termine tellement là. Tu sais, mettons que t'as un film épique, ok? T'as comme les gens qui s'en vont s'exiler d'un pays, comme avec un régime de terreur. Et ils s'en vont tous dans leur caravane. Là, ils sont frappés. Là, tu sais, ils s'en vont, t'as comme la musique épique, t'as comme le plan, l'armement. Ah, ok, laisse-moi compter ça. C'est comme. Ils ont un plan, comme tout au ralenti, avec la musique épique. Là, après ça. Puis c'est ça, c'est la suite. Sais-tu qu'est-ce qui est le mieux avec cette histoire-là? C'est que toutes les. C'est quoi? C'est des caravanes exilées. Non, des exilés. Le pire, c'est que dans cette histoire-là, ils ont tous survécu avant que le camion stern leur tombe dessus, fasse une étincelle, et que ça fasse une explosion monstre. Après ça, il n'y a plus de survivants, par contre. Désolé. Ça, c'est le punch à la fin, il n'y a plus de survivants, tout le monde meurt. Bon. Ensuite, une fourrée de petits pains. Une fourrée de petits pains, qui était constituée de blé entier, ont eu le loisir de connaître l'appétit vorace de ses hôtes. Dans le fond, c'est comme une façon poétique de se faire dire que c'est fait bouffer. Ouais, effectivement. Ça, c'est une manière, comme tu dis, de faire une phrase complète avec un rien. Ouais, ça c'est vrai, hein, des phrases, parce que tu peux écrire tout... Tu peux écrire comme des mots. Il y avait des pains, man, des... je sais pas. Bon. Ensuite, il y a le H. Okay. La communauté. La communauté internationale des facteurs revendique de meilleures conditions salariales. La communauté internationale des facteurs. Ok, maintenant. Communauté internationale des facteurs. Donc, ça fait la CIF. C'est l'organisation la plus... Attention, attention. La CIF survole le secteur. Soit comme un avion avec tout plein de paquets, tout plein de lettres dedans. Commandant. On revendique nos conditions de travail! On revendique nos conditions de travail! D'autres, t'as un avion, ferme-la! Ta gueule, t'as un avion! Ça, je suis rendu à I. Cette nation de combattants. Ok? Cette oui. Nation de combattants. De combattants. De combattants? Cette nation de combattants, petit peu tôt. Bon, cette nation de combattants veut à tout prix dominer le monde. Ça, c'est vraiment nul, ton phrase. En tout cas, j'aurais pu faire. Ouais, ça fait. Ouais, en tout cas, c'est bien correct. Ça fait con, mais c'est comme. C'est-tu vraiment ton travail de français que tu vas donner au prof, ça, là? Ouais. D'accord, c'est cool. Non, c'est vraiment mon vrai travail de français que je vais donner au prof. Mais dans le fond, tu vas parler de terraformation, de la CIF, de. Ouais. De camarades. C'est quoi? De carnes et Raphaël. Non, le. Kirio, j'en peux même plus du mot. La caravane d'exilés qui se fait détruire en pleine action. Ouais. Changement de français, je pense qu'elle va plus regarder les phrases. Ouais. Akechou. Bon. Alors, ensuite, je suis rendu à J. J. Un clan. Un clan de dégénérés néo-nazis a finalement eu l'idée de se plaindre à la communauté internationale en référant les droits de l'homme. Ironie pure! J'ai vraiment écrit des communautés. Un clan de néo-nazis qui revendique des droits. Je pense que c'est quelque chose qui marche pas. Oui, bon. Ensuite, il y a le cas, si tu veux l'entendre. C'est ce qui marche pas là-dedans, Emmerich? Quoi? C'est que. Ils ont raison dans ce pari, on peut pas penser ça. Là, selon les droits de l'homme, on a des droits, là. Faut que les néo-nazis se fassent reconnaître un jour. Dans la réalité, je pense vraiment pas qu'est-ce que j'ai marqué, ne vous inquiétez pas. J'espère. Bon, alors, un groupuscule de révolutionnaires ont décidé de créer une émeute publique amicale. Des révolutionnaires qui font une émeute publique amicale. Un groupuscule. Un groupuscule, mais de où est-ce que ça sort? Connerie. Je pense pas que c'est toi qui sortis ce mot-là. Non, c'était écrit. Okay. Un groupuscule de révolutionnaires. Un groupuscule. Un groupuscule de révolutionnaires ont décidé de créer une émeute publique amicale. Amicale. Pour fraterniser avec leur ami de la police, ils ont lancé des briques et des objets contondants sur la voie publique. Yeah! Les amis policiers ont répliqué à leur tour en leur donnant des coups de bâton très fraternisants pour les manifestants. Bon, continue. Alors, après ça, il y a quoi? Elle, je pense. Elle? Ouais. Une fédération de syndicats corrompus a décidé d'améliorer les conditions de fraude disponibles aux employés. D'améliorer les conditions de fraude! Ouais. C'est-tu? Kirib, t'étais vraiment inspiré? Mon prof de français avait vraiment pensé que... C'est comme tout le contraire de ce qu'on entend tous les jours. Tous les jours, c'est comme les syndicats veulent des meilleures conditions de travail. Tandis que la tienne, c'est comme... Des syndicats corrompus pour des meilleures conditions de fraude. Allez. Qui m'apprécie? M. Un recueil d'idées géniales concernant les recettes cuisinées avec des légumes a été distribué partout dans le monde. Minute, répète-moi ça, un peu. Attends, non, c'est pas ça. Un recueil d'idées géniales concernant les recettes cuisinées avec des légumes a été distribué partout à travers le monde. C'est ça. Wow. M pour légumes. Bon, M. C'est vraiment plat comme okay. M. Cette corde de finition respectable a fini la soirée sous mort et bien drogué. Bien drogué. Oui. Cette corde de finition bien droguée, sous mort, en train de dégaler de l'alcool partout. Non, regarde. Je pense pas que t'as écrit. Déjà bien drogué. Non, mais c'est. Cet homme est bien drogué. Ça résume bien les finitions. Non, mais on dirait vraiment. T'as tout écrit un monde inverse, genre. Ben non, tu sais, où est-ce que, genre, tous les syndicats corrompus qui demandent des... Tu sais, ils demandent des meilleures conditions pour avoir des néo-nazis qui demandent leurs droits. Désolé, Gabriel. Mais. Non, mais. Une corde de finissant, sous mort et bien drogué après leur secondaire. Là, ça, c'est plus non, non, ok, normal. Ok, non. Ouais, ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Mais je veux dire, les autres choses, là. Tu sais, c'est comme tout. Monde inverse, c'est fucké. Mais c'est cool. J'aime bien la manière de penser. Merci Gabriel, tu me jettes. Bon. Alors, oh! Ce corps de clairons militaires a bien performé cet après-midi avec leur banjo. Le banjo, là, je m'en attendais pas par tout. Je voyais pas venir par tout. Ce corps de clairons militaires a bien performé avec leur bel instrument qui est le banjo. Je sais vraiment pas c'est quel type de claironnier. L'as-tu donc là-dedans, là? Non, mais on pourrait faire un survol de qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Non, c'est pas correct. On touche plus à ça. On touche plus à ça. Bon, et à part ça, quelles sont les nouvelles internationales? Ben, il y a des protestations en Égypte, là. Aussi, vous verrez qu'apparemment, ils vont bientôt sortir. Ah ouais? Oh, non, attends, là, ça date d'un an, ça. Attention, on va acheter un nouveau jeu, là. À vous soir de Moubarak. Hostie Moubarak court. Hey, c'est genre, un bon hey, jeu. Hey, ouais, t'as genre, tu contrôles Hostie Moubarak, ok? Là, faut que t'échappes. Faut que t'échappes au serveur. Attention, le temps arrive. Selon là, Facebook. Ça selon Facebook, votre temps est terminé, monsieur. Qu'avez-vous à dire? Ah, je sais pas si tu t'appelles midi Gabriel quand que. Bon, mettons, autant, qu'est-ce que ça voulait dire déjà? Organisation du traité d'Atlantique Nord. Ok, maintenant, au lieu de mettre Atlantique, tu mets Pacifique. Ah, ça fait un peu. L'OTAN. Bonjour, ici Radio-Canada. L'OTAN a encore fait des frappes de missiles balistiques sur les côtes égyptiennes. L'OTAN. Attends, c'est H. Non, c'est OTAN. L'OTAN. L'OPNE a fait des frappes aériennes dans la zone nord de l'Égypte. L'OPNE est une organisation. L'OPNE. C'est un. Wow. C'est OSNI. Dans la fin, ils vont dire l'OTPN. C'est Moubarak. J'allais dire Moubarak. Là. Ouais, c'est Moubarak. L'OPNE court après Moubarak. Moubarak a des problèmes. Moubarak. Attends un peu. Ok. C'est important. Pas mal fou. Oh, problème de parlage. Ça, c'est toujours drôle. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, si, mettons. Tu mangerais des pains au cheese whiz. Ouais, mettons que je mangerais des pains au cheese whiz. Mm-hmm. Ok. Puis qu'après ça, il y aurait un avion qui cracherait sur ma maison. Ok. Toi, là, mettons que tu rentrerais à ce moment-là, quelle réaction que t'aurais? Ben, j'aurais honte que t'aies mangé du cheese whiz, mais c'est pas bon pour la santé. Puis l'avion? L'avion, merde. Je pense que je le réaliserais pas mal en masse. Ouais, qu'est-ce que tu ferais pour l'avion? Je sais pas. C'est le pilote, es-tu le point de mourir, là? Il est comme en sang dans son avion, tu sais. Toi, tu serais déjà mort, en fait. Non, moi, je serais là en train de regarder le pilote. Ouais, c'est ça, ton cheese whiz. Je suis juste en train de manger ma toast, là, imagine, tu manges ta toast, là, t'es au bout de ta table, ok? Là, oh! Là, t'es là, t'es là. T'es pour prendre ta petite bouchée de toast, là. Tu vas sur le bord de la lèvre, là. Là, t'as comme l'avion devant toi, tu sais, là, qui coupe la table en deux, là. Là, t'as ta petite toast, là, qui est sur le bord de ta bouche, là. Tu regardes l'avion. T'es comme. Tu sais, que tu salives qui coule sur le bord, là, qui dégouline tout le long de ta gueule, là. Effectivement. D'accord. Effectivement. Ça, c'est peut-être pas nécessaire, mais, tu sais. C'est juste un gros what the fuck qu'il va faire. Oh my god. Bon, à part ça, Je me dis qu'on fait un débat de point de vue alimentaire. Moi, j'aime le ketchup. Ben, moi, tout j'aime le ketchup, c'est un problème. Le débat vient d'être clos. Ça, c'était assez plate, merci. Wow. Non, mais je suis en train de penser à partons ça. Un débat. J'aime le ketchup. Ben, moi, toujours, j'aime le ketchup. Hé, hey, mais je viens de penser. Hé, hey, un peu. Hé, hey, ça pourrait régler tous les débats, ça. Regarde ça. Genre, ils s'entendent sur quelque chose, pis ça marche. Ça, ouais, là, présentement, c'est le. Est-ce qu'on fait des espèces de Goose Pod qui peuvent être écoutés n'importe quand, ou on fait des Goose Pod qui ont encore une date, que si tu t'en vas l'écouter, ben, tu vas rien catcher, pis tu vas trouver ça plate? Ben, tout le monde peut le réécouter tout le temps, là, si, ah, là, si on parle de choses qui se passent présentement. Ben là, ils vont je pense qu'ils vont catcher que l'épisode 1 est plus vieux que l'épisode 25, là. Ouais, c'est encore drôle. Non, mais... Okay. Avec rendu l'épisode 25, là, ceci est une référence directe à l'épisode 25 qui va être dans le futur. Je sais même pas si on va se rendre jusqu'à l'épisode 25, mais si on se rend là, ben, je nous félicite parce qu'on est malade. Les gens vont tellement avoir honte à l'épisode 25, s'il est écoutera toute la série. Là, on est février 2012, 7. Ouais, on est le 7 février 2012. Fait que ça va être la date du premier épisode. Donc, si, mettons, genre, on serait à l'épisode 25, ben, sûrement qu'il va être rendu, genre, 2022, rendu là, vu qu'on va sûrement pas en faire si souvent. Ouais, c'est ça. En tout cas, pour ça, il y a... Fait que bonne chance pour attendre 2022. On pourrait parler des schtroumpfs. Ben, les schtroumpfs sont bleus, pis c'est ça. Les fois, sont noirs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé de spécial dans ta journée aujourd'hui, Eric? T'as peu, je vais regarder. Tu sais qu'on a fini d'écouter le Code Da Vinci. Hey, parlons-en du Code Da Vinci, justement, ça serait un bon sujet. Le Code Da Vinci, je sais pas si ça serait bon de partir. Non, mais tu sais, en éthique, là, il y avait une espèce de question là, qui disait pourquoi est-ce que cette question perturbe les religions, mais pas perturbe, mais que les religions, il y a beaucoup ouais. Que... Pourquoi les religions sont comme contre ce film-là, dans le fond? Ouais, c'est ça. Là, dans le fond, je pense que ils ont peur que leurs croyants remettent en cause la religion, tout simplement. Sauf ouais, parce que c'est facile, que c'est facile de se questionner là-dessus. Ouais, tu sais, c'est comme... Tu sais, t'as pas... C'est comme pas concret. Fait que, ouais. Tu sais, si t'as soit du questionnement là-dessus, c'est vraiment facile de te poser les mêmes questions, là. Mais moi, sérieusement, que ça soit passé comme ça ou que ça soit passé d'une autre manière, je m'en fous pas mal, là. Tu sais, je veux dire, pourvu qu'à un moment donné, t'arrives à une ouais, mort... Ouais, par contre, c'était quand même assez fascinant comme film, par exemple. Ouais, c'est ça, c'est intéressant. Moi, je pensais comme une fiction, tu sais. C'est pas si... Tant pis pour eux autres qui... Ouais, par contre, il y a quand même des affaires qui sont vraies là-dedans. Ouais, c'est ça, ça peut être vrai. Mais faut pas oublier, par contre, que Léonard da Vinci, là, il a vécu après Jésus, là. Ouais. Fait que, tu sais, toutes les preuves qu'il montrait sur la... Je sais pas si je me trompe, là. Peut-être aussi que c'est quand qu'il peint Léonard da Vinci? Dans l'air 500? 600? Ouais, non, je dirais 400-500, je pense. Bon, c'est quand même relativement proche, mais... 200 ans de différence? Ok, ouais, en tout cas, c'est quand même 400 ans. Hein? 400 ans avant la naissance de Jésus. Mais c'est quand même loin, tu sais, le pain après... Ça... Wow, Leonardo da Vinci, c'est dans les années 1500. 1500? Ouais. Puis après ça... Okay, 1400-1500, là. Non, t'as vu, c'est vrai, dans les 600, c'est environ dans les âges comme un peu Rome de... C'est dans les âges des Romains et des Cossins de même. Je me suis complètement détruit la gueule. Non, en réalité, c'est ça que je voulais dire. Environ 1500, justement. Donc, il a peint la dernière scène. Je te mets. Ouais, mais tu sais, c'est pas ça. Là-dessus, tu comprends? Non, c'est sûr. C'est pour l'après. Ouais, j'avoue, c'est comme vraiment après. Non, il y a vraiment des affaires abstraites là-dedans là, qui font pas vraiment de sens. C'est ça. Mais bon, pareil, c'est pas... Faut oublier que c'est quelqu'un qui a fait un roman, comme n'importe qui a fait un roman, pis c'est ça que les gens oublient, sûrement. C'est sûr. Ça te passe à la religion, oui, mais c'est pas quelque chose... Les gens, dans le fond, ils prennent trop la fiction pour... D'après moi, les religions, ils ont pris ça un peu comme une insulte, sûrement. Ils se sont dit, ça va trop loin dans votre liberté d'expression. Vous n'avez pas le droit de dire ça de notre religion, c'est... Ouais, ça cause que ça, par contre, c'est le genre de film qui pourrait facilement défaire la foi des chrétiens. Ouais, la foi est faible, si c'est un film qui est défait, sérieusement, là. Tu sais, là... Moi, j'avoue. Tu sais, moi, je dis que si t'as vraiment la vraie foi, tu vas pas avoir un coup, là, non, un, ça doit être de même, ça se passe, tu sais. Je sais pas, ouais, ça, c'est à cause que moi, je suis pas vraiment pratiquel, fait que j'ai comme facilement, je suis facilement remis en question avec ce film-là. Ouais. Facilement. De toute façon, on s'en fout que Jésus ait eu une femme qu'il n'en ait pas eu. Ça change quoi dans la vie? C'est comme les célébrités, ces magazines, hein. Ouais, tu sais, on s'en fout, on s'en fout qu'il y ait une femme ou... Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait en fin de semaine? A-t-il béni le pain? Attention! Cette, pour la scène, parce que scène en réalité, ça veut dire souper, là, en passant. Ouais, ouais. Fait que, Jésus, en fin de semaine, il scène avec ses apôtres. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Avec Ricardo, ils vont préparer un spaghetti en italien. C'est Ricardo, genre, bonjour, ici Ricardo, je vais vous voir. Tu sais, tu vois pas avec l'équipement moderne, mais surtout avec l'équipement antique, genre. Lui, il a tout son four des années 2000. Est-ce que tu savais? Aïe, tu connais Fidel Castro? Ouais, ouais, Fidel Castro. Est-ce que tu savais que mon grand-père avait déjà vu en personne? De 2 mètres, Fidel Castro, environ. Ton grand-père, il a déjà vu Fidel Castro en personne, en à 2 mètres. Environ. Fuck! Il a vu un dictateur à 2 mètres de lui, hein, exactement. Il était environ, je sais pas, il avait quel âge, mais il m'a montré. Est-ce qu'il s'en souvient? Ben, c'est parce qu'il a enregistré une émission, sûrement Radio-Canada, qui s'appelle peut-être Enquête, pas Enquête, non, c'est les documentaires un peu, là, okay. De ce style-là. Puis il parlait, justement, de qu'est-ce qu'il a fait dans son régime puis tout ça. Ouais. Puis il montrait qu'il avait fait une visite à Montréal. Dans ce temps-là, mon grand-père, je sais pas s'il était médecin dans ce temps-là. Minute. Fidel Castro a fait une visite à Montréal. Ouais, c'est ça. Puis il a été dans un hôpital. Puis mon grand-père, il était avec ma grand-mère là, à un palier de l'hôpital. Puis là, Fidel Castro, il montait les marches de l'hôpital, puis il arrêtait au palier. Puis mon grand-père sortait justement de la porte. Puis il a croisé Fidel Castro. Passait avec toutes ses acolytes comme. Nice! Il avait comme sa barbe noire, il avait l'air sévère, puis il avait pas l'air commode, ce qu'il paraît. Puis il montait. Ouais, c'est sûr, on s'entend du 14, ça n'a jamais l'air commode. Mon grand-père, il a vraiment déjà vu. Là. Non, mais je dis nice, mais tu sais, c'est sûr, c'est pas un gars que j'idolise beaucoup. Mais c'est sûr que c'est malade. Ouais, c'est sûr, c'est quand même malade, parce que c'est quand même un dictateur quand même assez connu. C'est malade. C'est le Castro ou c'est le. Non, je pense que c'était Fidel Castro, je crois. Moi, non, s'il y avait une barbe, Non, il y avait plus une moustache, là, tu sais. Ouais, je pense. Ouais, sûrement, c'était Fidel Castro. C'était dans quelle année, au juste? Non, je sais pas. Ah, okay. Je peux vraiment pas le savoir. En tout cas, il y avait une barbe noire. Ouais, ça, dans ce temps-là, il était un peu plus jeune. Ouais. Ouais, ben, hey, c'est malade, ça. Mais pourquoi, ça, pourquoi il est venu à l'hôpital de Montréal? Ça, je comprends pas. Peut-être que c'est comme pour, il faisait une visite, Ouais. Hey, les Québécois, ben, je sais pas si c'était connu à ce temps-là, c'était pas vraiment quelle année. Ben, dans ce temps-là, il était assez, je pense que les gens avaient pas mal d'espoir en lui, je suis pas sûr, mais. Ah, ok. Je sais pas si c'est dans ce temps-là. Hey! T'as peu, dézoome là-dessus. Ouais, parce que présentement, je suis sur un ordi. Ouais, c'est ça. Non, c'est à cause. T'as peu. Retourne là. Yann, on dirait un peu l'Alaska, la manière que c'est formé. Ah, ouais, oui. Parce que là, on est en train de travailler un peu sur la nouvelle map, sur le serveur. Et quoi être fait. Ouais, là, je regardais un peu la map, puis il y a plusieurs villages. On a fait une cartographie, puis on dit, il y a un bout qui ressemble un peu à la scoop. J'ai trouvé comme 6 ou 5 villages à date. C'est pas identique, mais c'est. Ouais, non, c'est vrai, ça semble quand même. C'est un désert, mais ça ressemble. Ouais, c'est un désert, ça c'est différent. Ouais, c'est ça. C'est un désert de sable et donc de glace. Regardons sur notre logo de Ghostcast. On va regarder ça. Ghost pas, Demrick. C'est le premier épisode, tu peux t'en prendre. Non, mais parce que tantôt, on a un peu discuté de ça allait être quoi le nom. On a décidé de prendre le code 25, parce que là... C'est comme tout fondé, comme à soir, fait que... Ouais, c'est ça. Hey, mais regarde, ici, on voit vraiment des chunks, des petits carrés, ici. C'est vraiment des chunks, carrément. Hey, c'est malade, ça. C'est drôle. On va regarder. Bon, fait que l'Alaska, ça te semble-tu? Ben, je sais pas. Clique donc là-dessus. Ah, ok. Ouais, c'est parce qu'on a une note du monde sur mon bureau. Ouais. Ok, c'est en point, non, l'espoir. Ouais, c'est ça, c'est en point, c'est pas super précis. Vraiment. Parce qu'on a le logo de Goose Pod dans le fond d'écran, parce que oui, il était assez gros pour être au fond d'écran, mais je l'ai réduit un peu de grandeur. Ouais, c'est ça. Parce que là, justement, il est vraiment trop gros. Il fait genre deux, sans niaiser, il fait 3000 par 2000, là. C'est okay, comme Milario. Gigantesque. Milario, on va avoir des banlieues pas pire, parce qu'il y a peut-être un petit village autour. Bon, ben, je pense qu'on peut terminer le podcast ici, là. Ça fait environ 25 minutes qu'on a enregistré. Manque d'inspiration. Non, non, on aurait quand même d'autres sujets à parler. On parle de n'importe quoi encore bien longtemps. Moi, c'est ça. Non, ça vient quand même assez vite, ça m'étonne. Fait que, non, c'est pas pire. Fait que, on vous en remercie tout le monde d'avoir écouté cette première édition de GoosePod. Espérons que vous avez aimé. Puis, on se revoit au prochain épisode, qu'on sait pas trop quand on va poster. Bonjour tout le monde, et nous allons nous revoir au prochain épisode.